donné, peiné de t'ignorer. Je suis toujours gêné par la mendicité. Es-tu un parasite, un escroc émérite, à l'âme petite, profiteur sans limite? As-tu au creux des veines plus d'alcool que de haine? As-tu les lames pleines d'une colère vaine? Seras-tu agressif, inquiétant et nocif? Auras-tu le ton vif, insultant ou d'un bonus, qu'aimanderas-tu plus du pauvre Librius? Auras-tu le rictus pour gagner mon argent? Qu'as-tu comme talent, dessin, musique ou chant? Quelques discours touchants. Seras-tu là demain avec chien ou gamin, toujours sur mon chemin, me tendre la main, à te donner ainsi dans mon cadre de vie? Y aura-t-il ici bientôt tous tes amis? La mendicité, la pièce, le cœur plein de hardiesse, la chrétienté acquiesce, la mort allait en liesse. Alors pourquoi la gêne? Le pauvre est-il obscène? La charité à peine à se vivre sereine. Pourrais-je te sourire? Saurais-je compatir? Trouverais-je quoi dire pour te faire un plaisir? J'ai maître solidaire, voilà qui me rend fier. Mais est-ce à moi de faire du social solitaire? Pour qu'un je te balance un peu pour ta pitance. C'est comme d'habitude, mes arguments c'est nul. Devant ta solitude, j'ai la froide attitude. Mon comportement puni, regard ni salut. Je donne mais je suis mal à l'aise à ta vue. J'envoie d'autres là-bas, plus ou moins aux abois. Ne donnez pas, je crois, un choix qui va de soi. La mendicité.